Les maladies Les matratratri, les matratratra, les matratratri, les matratratra, le rhum de Gorderie. Les roncucarchonquis, les roncucarchonquis, les roncucarchonquis, les lo, l'orda, l'organa, l'organaplo, l'organaplopé, l'organaplopé de puripora, puripora, puripora, puripora, puripora, puripora. Les amateurs de plâtre, les lentilles de pommes passionnées s'échangent. Soit en couteau, soit en du caillou. Le brise-escu des rivières qui coulent se change en forêt de perroquets. De perroquets, de perroquets, de matopilon, de matopilon, et de matopilon, et de matopilon. Quand l'épouvantable, implacable, se débordant infâme, t'assoit-là, ses mille faits infects, sur ce monde fermé, tournant des combats nouveaux et compagnes du haut clou. Tournant, tournant, tournant, tournant, tournant, tournant, tournant, tournant, tournant, tournant, tournant, tournant, tournant, tournant, tournant, tournant, tournant, soit atroce, survivra seul, croissant-on délicatrice, de plus en plus aiguë et indolérable. Le néant têtu, tout à tout, qui recule, qui recule, qui recule, comme la panique.